une histoire particulière. Hier, nous étions à Naples, looking for Elena Ferrante, avec Delphine Chaume et Marie-Laure Ciboulet. Le cas de l'auteur Elena Ferrante est fascinant. Phénomène d'édition, depuis son premier roman, cet auteur a choisi un pseudonyme pour s'extraire du système médiatique. Choix politique ou choix littéraire de l'anonymat, la suite, maintenant, dans le second épisode. La mère de Rino s'appelle Raffaella Cerullo, mais tout le monde l'a toujours appelée Lina. Pas moi. Je n'ai jamais utilisé ni ce premier ni ce deuxième prénom. Depuis plus de 60 ans, pour moi, elle est Lila. Si je l'appelais Lina ou Raffaella, comme ça, d'un coup, elle penserait que notre amitié est finie. Cela fait au moins 3 décennies qu'elle me répète vouloir disparaître sans laisser de traces. Et il n'y a que moi qui sache vraiment ce qu'elle veut dire. Elle n'a jamais eu à l'esprit une quelconque fugue, un changement d'identité, ou rêver de refaire sa vie ailleurs. Et elle n'a jamais pensé au suicide, dégoûtée comme elle est à l'idée que Rino se retrouve avec son corps et soit obligée de s'en occuper. Son intention a toujours été différente. Elle voulait se volatiliser, disperser chacune de ses cellules et qu'on ne retrouve plus rien d'elle. Et comme je la connais bien, ou du moins je crois la connaître, je parie qu'elle a trouvé un moyen de ne pas laisser la moindre trace dans ce monde, pas un cheveu, nulle part. Elle élargissait outre mesure le concept de trace. Non seulement elle voulait disparaître elle-même, maintenant à 66 ans, mais elle voulait aussi effacer toute la vie qu'elle laissait derrière elle. Je me suis sentie pleine de colère. Voyons qui l'emporte cette fois, me suis-je dit. J'ai allumé mon ordinateur et ai commencé à écrire notre histoire dans ses moindres détails, tout ce qui me restait en mémoire. Se dissoudre, s'effacer, établir des jeux de miroirs entre ses personnages, une tentation qui traverse tous les textes de Ferrante. Où s'évaporer mieux que dans l'univers bouillonnant d'une grande ville ? Qui plus est à Naples, ville que je ne connais que par les textes des auteurs napolitains, et qui résonne des voix des personnages, des silhouettes de Lila et Elena. Ville de fiction, pour moi, dans laquelle j'ai envie de me plonger pour disparaître à mon tour. Naples, personnage central de l'amie prodigieuse. Naples qui fait affleurer les fantasmes et les sentiments violents. Naples dont la singularité semble aspirer tous ceux qui y sont nés ou y ont vécu. Naples et les ruelles où on peut facilement se perdre. Naples qui préserve l'anonymat de ses habitants et qui permet de disparaître. Naples, figure par excellence des doubles et des dédoublements, est-elle l'une des clés d'accès à la mystérieuse Elena Ferrante ? Et io che questo romanzo l'ho letto da un quartiere centrale. Chiara Guida. Quando l'ho finito, quand j'ai fini de lire le roman, le premier livre, je me suis rendue dans ce quartier pour voir les lieux où s'étaient déroulés les faits. Io ho scoperto questo libreria di Mezzocannone che poi era la mia per caso. Raimondo Di Maio. Molti americani a cercare questa. Beaucoup d'Américains sont venus dans mon ancienne librairie parce qu'ils ont lu les romans et qu'ils voulaient savoir exactement où a vécu et a travaillé la libraire. Moi, je peux la suivre à la trace. Jean-Noël Schifano. Depuis où elles habitaient au début, depuis le quartier Luzzati, hein, qui est la quatrième municipalité de Naples. Son personnage a habité Via Salvatore Rosa. On descend sur le musée, on longe l'hôtel des pauvres, etc. On va vers le cimetière. Elle est née entre des rails de chemin de fer, pas loin de la gare, avec une mère qui boite et qui louche. Tout de suite, le corps déformé de la mère. On a cette violence qui entoure, il y a toujours ce passage à 3 tunnels qui apparaît dans tous les romans, où elle essaye, avec son amie, Raphaël, elle essaye de passer ces 3 tunnels pour aller voir la mère en quittant l'école. C'est ça, c'est dans le premier volume de l'amie prodigieuse. Donc on a cette espèce de désir, d'ailleurs, qui se produira avec son amie qui épousera un camoriste et qui, de pâtissier dans ce quartier populaire, deviendra dans un quartier luxueux, Piazza dei Martiri, un créateur et marchand de chaussures. Les rues sont là, le bruit des rues, les altercations, il n'y a pas du tout de folklore chez Elena Ferrante. In 1600 et passa pagine, Tita Fiori. En quelques 1600 pages, elle trace non seulement une cartographie physique, mais également temporelle, historique, des transformations de la ville. Lo dicevamo prima. Le premier livre se déroule dans les années 50. Tutta la storia delle due ragazze parte da un quartiere periferico. Et tout part d'un quartier périphérique constitué de petites maisons basses construites sur des marais. Queste bambine, leggiamo in un punto del romanzo, scappano perché vogliono vedere il mare. Il s'agit de deux enfants, deux petites filles qui veulent absolument voir la mer. Oppure escono in gruppo con et lorsqu'elles grandissent et qu'elles sont adolescentes, avec un groupe d'amis, elles font une incursion dans le centre-ville pour voir comment on vit dans cette autre partie de la ville, comment vit une autre classe sociale, comment on vit dans les quartiers bourgeois. Et leur ambition, à l'une et l'autre, c'est de pouvoir un jour vivre dans les quartiers bourgeois. Nei libri successivi ci arriveranno, prenderanno casa lì, attraverseranno non solo. L'une d'elles y parviendra, et ce faisant, à travers son parcours, on voit les évolutions sociales, quotidiennes et historiques de la ville. Et quindi ecco tracciata la carta geografica, ma torniamo al fascino della scrittura. Cosa accade alla fine? Et ce qui participe de la fascination que provoquent ces livres, alla fine, c'est ce que nous apprend le dernier tome de la quadrilogie. À la fin, les deux femmes retrouveront les poupées qu'elles avaient perdues dans leur quartier d'origine dans le premier livre. Credevano essere state rubate dall'orco del quartiere. Ed ecco quindi il fascino di una scrittura. Et là, on se retrouve face à la fascination que provoque une écriture circulaire. Parce qu'on part de ce quartier, on arrive au quartier bourgeois et on y retourne tout à fait mystérieusement. Et c'est un voyage à travers l'âme humaine, autour de l'âme. Une des filles disparaît, l'autre raconte. Et entre cette disparition et le récit, les retrouvailles, il y a un mystère, parce que de fait, la vie et l'âme sont mystérieuses. Le soleil de cette belle journée hivernale donnait un aspect serein à toute chose. Contrairement à nous, notre vieux quartier était resté le même. Les petits immeubles gris, la cour de nos jeux, le boulevard, les bouches sombres du tunnel et la violence. Tout cela résistait. En revanche, le paysage environnant avait changé. L'étendue verdâtre des étangs n'existait plus et la vieille usine de conserve avait disparu. À leur place se dressaient des gratte-ciels étincelants, autrefois signe annonciateur d'un futur radieux auquel personne n'avait jamais cru. J'avais remarqué tous ces changements au fil du temps, parfois avec curiosité, le plus souvent d'un œil distrait. Petite, j'avais imaginé qu'en dehors de notre quartier, Naples offrait toutes sortes de merveilles. Par exemple, des années auparavant, j'avais été très frappée par la lente construction, étage après étage, du gratte-ciel de la place de la gare centrale. C'était un squelette d'immeubles qui nous paraissait alors incroyablement élevé, juste à côté de l'audacieuse gare. Je ne cessais de m'étonner chaque fois que je passais par la Piazza Garibaldi. « Regarde comme c'est haut, disais-je à Lila, à Carmen, Pasquale, Ada ou Antonio, à tous mes camarades de l'époque, lorsque nous nous aventurions au bord de la mer, jusqu'aux frontières des quartiers riches. Ce sont sûrement des anges qui habitent cette tour, me disais-je, et ils doivent avoir une vue sur toute la ville. J'aurais tellement aimé monter là-haut, grimper jusqu'au sommet. Bien qu'il ne se trouvât pas dans notre quartier, nous le considérions comme notre gratte-ciel. » Et nous le regardions grandir jour après jour. Mais les travaux avaient été interrompus. Quand je rentrais de Pise, le gratte-ciel de la gare, loin de symboliser le renouveau d'une communauté, ne me semblait plus qu'une preuve supplémentaire de son inefficacité. Nous, comme si à Napoli, nous fossimo abituati à camminare su un doppio binario. C'est comme si à Naples, nous ne savions pas marcher sur deux rails. L'un relève de l'extraordinaire et l'autre de l'ordinaire. È più facile per noi governare la straordinarietà. Pour nous, à Naples, il est plus facile de maîtriser l'extraordinaire que l'ordinaire. Coniugare questi due modi di essere Conjuguer ces deux manières d'être dans une seule personne, c'est quasiment impossible. Allora, Lenou et Lila rappresentano bene queste Lila due, et Lenou représentent bien ces deux visages, ces deux aspects. Perché da una parte c'è la dolcezza, ma io la chiamerei più una pericolosa deriva all'immobilismo che ci racconta il personaggio di Lenou. Lenou est douce, réfléchie, prudente, un peu lente aussi. Prudente, meno veloce, insomma, un po' più lenta. Così come può essere, come sa essere anche Mais c'est comme dans la vie de la ville, città, dans un de ses aspects, parte. Qui conduit à l'immobilisme, ce qu'on peut reprocher à Naples. Un certo immobilismo. Dall'altra parte, invece, abbiamo un'energia creativa, a volte distruttiva. De l'autre côté, on a l'énergie créatrice, mais dont l'autre face est destructrice, qui est puissante, que Lila symbolise. Quindi far convivere queste due forme di vita. Et donc c'est un défi quotidien de faire coexister ces deux aspects. Non credo che ci sia bisogno che una faccia di Napoli sparisca perché l'altra possa. Je ne pense pas qu'un des deux aspects de Naples doive disparaître pour que l'autre s'épanouisse. Così come i due personaggi non possono vivere l'uno senza l'altro. De la même manière, les personnages ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. È raccontato, ma è molto vivo nella storia. Même si l'une d'entre elles a disparu et que l'autre la raconte, celle qui a disparu est toujours omniprésente. Il y a une longue histoire du double, du thème du double dans la littérature. Et, Belinda Cannon. Et on a montré combien le double s'était transformé au fil de l'histoire littéraire. On est parti des doubles qui étaient des jumeaux ou des sosies, pour arriver avec le fin 18e siècle à une conception du double comme division du soi. Le double n'est pas un deuxième qui vient faire éruption dans la vie du premier, mais dans soi-même, dans le même, il y a une partie plus inconsciente, plus immaîtrisée, etc. Hein, c'est le travail de conception d'une intériorité plus clivée que ce que croyait l'époque classique. Donc, bien entendu, le double, c'est le double moderne, disons, à partir du XVIIIe siècle, c'est toujours la représentation d'une intériorité divisée. Et donc, dans ce cadre, les romans de Ferrante s'inscrivent dans cette problématique du double divisé. Et on le voit bien avec ces deux figures de personnages très différents, mais qui représentent tous les deux un tropisme de l'écrivain. En rivalité, je dirais, ou en concurrence à l'intérieur d'elle-même. Avec Naples, on n'arrête jamais les comptes, même à distance. J'ai vécu plutôt longtemps dans d'autres lieux, mais cette ville n'est pas n'importe quel lieu. C'est un prolongement du corps, c'est une matrice de la perception, c'est la pierre de touche de toute expérience. Ce qui m'a tout de suite séduit, moi qui suis napolitain jusque aux moelles, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est ce rapport du corps féminin à Naples. La Naples des ex-voto anatomiques, car à Naples, tout est anatomique. Tout le corps parle, et le corps des femmes en particulier. Elle le fait parler, le corps des femmes, même un corps vaincu, elle le fait parler d'une façon extraordinaire. Un corps vaincu de femme se lève comme ça, comme victorieux. Donc il y a ce passage continu entre les différentes parties du corps. Et les ex-voto à Naples, qui sont des ex-voto métalliques, argentés, sont appelés ex-voto anatomiques, qui tapissent les chapelles dans les églises. Vous avez des bras, des mains, des têtes, etc. Tout ce que Elena Ferrante fait voir du corps aussi de la femme. Freud, pour dire que c'est exactement dans la lignée d'Elena Ferrante, parce qu'elle touche comme ça l'inconscient en parlant du corps. Freud, quand il est arrivé en 1902 à Naples, il s'est trouvé complètement anéanti par le corps des Napolitaines et des Napolitains qui s'offraient. Et il a écrit une carte postale à sa femme et à sa fille en disant, il a écrit ces mots, « Je suis à Naples, c'est une cage à singes et une porcherie ». Tellement le corps lui avait sauté à la gueule. Freud, pour la première fois et la seule fois dans sa vie, a perdu les pédales à Naples. C'est un bon signe. À Naples, l'amour est harcelant. Les relations sont passionnelles. Relations entre mère-fils, entre possessives, entre amants et amantes, entre hommes-femmes, etc. C'est très... La passion, qu'est-ce que c'est? C'est la disparition de l'un et de l'autre dans un même œuf, mais c'est aussi la crucifixion. Je me souviens de son regard, petite fille, lorsque Madame Oliviero était tombée de l'estrade comme une poupée cassée. Je me souviens de son regard posé sur Mélina lorsque celle-ci, sur le boulevard, mangeait le savon mou qu'elle venait d'acheter. Je me souviens comment elle nous racontait, quand nous étions enfants, le meurtre de Don Achille, avec le sang qui coulait le long de la casserole en cuivre. Et elle soutenait que l'assassin n'était pas un homme, mais une femme. Comme si elle voyait et entendait, dans le récit qu'elle nous faisait, la forme d'un corps féminin qui se brisait sous l'effet de la haine, d'un besoin de vengeance ou de justice, et dont tous les contours s'effaçaient. Miroirs inversés l'une de l'autre, deux faces d'une même pièce, Lila et Lena restent irrémédiablement liées, quelle que soit leur tentative d'échapper au regard de l'autre. Plongée dans la relation tortueuse qui les unit, je me suis mise à chercher ce passage des mémoires d'une jeune fille rangée qui m'avait tellement marquée. C'est en fait à la toute fin du texte qu'il se trouvait, sans son les dernières lignes. Évoquant la mort de Zaza, Simone de Beauvoir se demande à quoi elle a bien pu succomber. Elle avoue alors être hantée à jamais par la figure de cette autre amie prodigieuse disparue. Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Elena, la narratrice, publie elle aussi un roman qui connaît un succès immédiat. Or Naples, Lila, sont à la fois le gouffre et le cœur secret de l'écriture d'Elena. Si elle tente de s'en éloigner, elle semble perdre la grâce et la substance des mots. Comment s'affranchir d'une telle emprise, d'une telle folie? Si rien ne pouvait nous sauver, ni l'argent, ni le corps d'un homme, ni même les études, autant tout détruire immédiatement. Sa fureur envahit ma poitrine. C'était une force qui était à la fois mienne et autre et qui me remplissait du désir de me perdre. Je voulais que cette force se répande partout. Mais je me rendis compte que j'en avais peur aussi. J'ai compris seulement par la suite que si je sais être tranquillement malheureuse, c'est uniquement parce que je suis incapable de réactions violentes. Je les crains et préfère rester immobile à couver ma rancœur. Mais pas Lila. Lana Ferrante explore Catherine Cusset. Le sentiment d'envie jusqu'au bout, quoi. Et c'est dans toute son ambivalence, hein, avec ce désir d'être l'autre, de le tuer et cette admiration infinie. Et ça, je le comprends aussi vraiment parfaitement. C'est ce sentiment que garde Elena d'une infériorité dans l'écriture. C'est-à-dire que n'importe qui peut lui dire que c'est un livre magnifique, mais qu'en fait, son jugement à elle va uniquement dépendre de celui de Lila, qu'un mot de Lila peut annuler tous les autres. Ah oui, je le comprends totalement. C'est une sorte de dieu, mais parce que Elena est consciente depuis le départ, hein, du caractère exceptionnel de Lila et de l'intelligence de Lila. D'ailleurs, je ne sais pas si au cours de la lecture, je me suis posé la question ou pas, mais d'une certaine manière, il est évident que Lila a un certain rapport avec la maladie mentale. D'ailleurs, elle est très fascinée au début, en tant que petite fille, par Mélina qui est folle, par la voisine qui est folle. Il y a une sorte de fascination de Lila qui est comme une fascination identification, comme on reconnaît à l'avance quelque chose dont on est susceptible soi-même. Et je ne sais pas exactement de quelle folie il s'agit. Je ne sais pas si d'ailleurs la description des humeurs étranges de Lila a quelque chose à voir avec la bipolarité. Enfin, on pourrait se poser la question. Mais c'est comme si Lila avait accès, enfin, dans son génie, à des parties du cerveau non explorées. Et donc elle a une capacité créatrice, inventive, que nul autre n'a. Et finalement, la vertu et l'intelligence d'Elena, c'est de reconnaître cela. Elle sait où est le génie. Tout au long de sa vie, ce qui a le plus effrayé Lila, c'est que les gens, encore plus que les choses, pouvaient perdre leur contour et se répandre, sans plus aucune forme. Voir son frère, la personne de sa famille qu'elle aimait le plus, privé de ses limites, l'avait épouvantée. Et quand Stefano était passé de fiancé à mari, il s'était soudain désagrégé, ce qui avait terrorisé Lila. C'est seulement en lisant ses cahiers que j'ai su combien sa nuit de noces l'avait marquée et combien elle craignait les métamorphoses toujours possibles du corps de son mari, ses déformations provoquées par des poussées de désir et de rage ou au contraire par quelques projets sournois et quelques lâchetés. La nuit surtout, elle avait peur de se réveiller et de le découvrir complètement informe dans leur lit, réduit à des excroissances gonflées d'humeur. Celle-ci finissait par éclater. De la chair liquéfiée se mettait à couler partout et ceux qui l'entouraient se décomposaient aussi. Les meubles, l'appartement tout entier, et même elle, sa femme, brisée et aspirée par ce flux répugnant de matière vivante. Les métamorphoses, les masques, le travestissement ont quelque chose de terrifiant. Grimaçants, fluctuants, insaisissables, ils forcent à lâcher prise. Ils sont la condition même de la fiction. Et si écrire, comme aimer et mourir, ainsi que le dit Michel Schneider, était cette expérience où je me suis perdu, où je m'égare dans les intermittences du moi. Mais c'est aussi là où je affleure plus réel que n'importe où ailleurs. Alors, madame, je sais tout. Tu nous fais profiter de ta science. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu as l'intention d'écrire sur nous, sur moi? Non. Ne mens pas. Ce serait trop compliqué. Tu y as pensé pourtant et t'y penses encore? Un peu, oui. Fiche-moi la paix, Lénou. Fiche-nous la paix à nous tous. On doit disparaître. On ne mérite rien. Ni Giliola, ni moi, ni personne d'autre. Ce n'est pas vrai. Elle prit un air mécontent et désagréable et se mit à me scruter de ses pupilles à peine visibles, les lèvres entrouvertes. « D'accord, dit-elle, si c'est vraiment ce que tu veux, écris donc. Écris sur Giliola, c'est sur qui tu veux, mais pas sur moi. Ça, non, tu n'as pas intérêt, promets-le-moi. Je n'écrirai sur personne, même pas sur toi. Fais gaffe, je te tiens à l'œil. Ah bon? Je fouillerai dans ton ordinateur, je lirai tes fichiers et je les effacerai. Oui, oui, c'est ça. Tu crois que j'en suis pas capable? Ah si, si, je sais que t'en es capable. Mais je me protégerai. De moi? Non. Ce qu'on sait, c'est que l'écrivain ne peut pas travailler tout à fait en dehors de la pulsion, en dehors de l'inconscient, en dehors du désir. Lila, c'est le désir, c'est la pulsion. Toute seule, en effet, elle ne peut pas écrire. Elle ne peut pas aboutir à une œuvre, plutôt. Mais Elena, si elle ne prend pas en compte la pulsion, le désir, l'inconscient, n'écrira pas non plus. Elle ne pourra pas écrire quelque chose de bien. Donc c'est cette espèce de tiraillement entre la volonté et le désir du travail, de la belle forme, de l'œuvre aboutie, et puis son matériau dont on ne peut pas ne pas tenir compte quand on est écrivain, qui est quelque chose de beaucoup plus enfoui, beaucoup plus pulsionnel. Je crois que c'est ce tiraillement-là qui se joue entre ces deux figures. Et bien sûr qu'elle ne peut pas écrire purement la pulsion non plus. Alors Lila lui dit non, ne m'écris pas. Mais pourtant elle doit le faire quand même. Elle a raison de braver l'interdit, parce qu'elle ne peut pas ne pas prendre en compte ce matériau. Mais tout ça, encore une fois, c'est ça qui est assez fascinant, tout ça, c'est dans l'espace intérieur. C'est une projection à l'extérieur de l'espace intérieur de l'auteur. Ça, je crois profondément que la littérature, c'est ça aussi. C'est la projection sous forme de personnages, encore une fois, de ce que Kundera appelait les égos expérimentaux, c'est la projection à l'extérieur de problématiques qui peuvent être intérieures, non pas au sens où c'est l'intériorité de l'auteur, mais au sens où ce sont des questions existentielles, métaphysiques. Et pour donner corps à ces questions, eh bien, il faut fabriquer ces personnages, et ces personnages tiraillés, ces personnages ennemis ou en concurrence ou en rivalité, ou voilà, des personnages qui ne sont pas tous le même, justement. Parce que pour poser une question, il faut qu'il y ait, je sais pas, je veux dire de façon un peu caricaturale, de thèse et antithèse. Et pour avoir ce dispositif, cette tension entre différentes façons d'aborder les questions, les personnages, c'est un moyen de cela. Et il me semble que dans Ferrante, l'idée, c'est ça, c'est de la projection à l'extérieur. Alors, ce qui est fascinant, j'allais dire, oui, c'est que à quel point elle fait vivre ces personnages dans des milieux, dans des moments historiques, etc. Alors qu'en réalité, si je puis dire, au fond, leur fonction, c'est de poser des questions sur le travail de l'écriture et sur l'intériorité, sur les questions intérieures. Le texte contient en lui-même plus que ce qu'on imagine. Celui-ci a pris possession de la personne qui écrit, et si on prend la peine de l'y chercher, elle est là, révélant une personnalité qu'elle-même ne connaît peut-être pas vraiment. Lorsqu'on se livre au public en tant qu'acte d'écriture pure et simple, la seule chose qui compte vraiment en littérature, on finit par faire corps avec la fiction. Il y a quelque chose de très tentant dans le fait de n'être plus rien que le texte qu'on a, Véronique Ovaldé, qu'on a écrit et qu'on a voulu, pour je ne sais quelle raison bizarre, voulu rendre public, qu'on a voulu publier. Ça aussi, ça me paraît toujours... Après coup, ça paraît très étrange, en fait, de vouloir rendre public, finalement, tout ça. Et ce qu'elle fait disparaître, c'est peut-être une partie d'elle-même. Cette partie plus brûlante, plus désordonnée, plus impulsive, au profit, la partie, je dirais, dionysiaque, au profit de la partie beaucoup plus apollinienne, celle qui va lui permettre de travailler tranquillement, de parfaire la forme, d'accéder à une beauté formelle. Et il y a toujours ce combat Dionysos-Apollon dans le travail de l'écriture. Et il est possible que ce personnage de Lila, ce soit la partie dionysiaque qu'il faut maîtriser, disons. Maîtriser un peu, parce qu'elle est nécessaire, mais qu'il faut maîtriser un peu pour accéder à la belle forme. Disparaître, c'est... Pierre Zaoui. Laisser apparaître autre chose que soi, parce que soi, on vit avec toute la journée. Si c'est pour vivre avec soi, on n'a pas besoin de la littérature. Et je crois que ce geste de la disparition, bon, qui a été très fortement thématisé par Blanchot et par d'autres, est un geste aussi décisif que l'histoire de la littérature. Et que tout grand auteur a envie quand même de disparaître derrière son œuvre. Si les livres ont le pouvoir de nous redire que nous sommes vivants, ils sont pour l'écrivain le lieu où il rêve de ne plus être. Mourir dans ses livres, mourir de ses livres, n'est-ce pas, plus que celui de l'immortalité, le rêve ou le cauchemar de l'écrivain ? Disparaître, une élégante manière de finir sans faire une fin. Finir d'être soi et finir de croire qu'on pourrait être un autre. L'énigme Ferrante en quête d'auteur, avec Belinda Cannon, Catherine Cusset, Raimondo Di Maio, Tita Fiore, Chiara Guida, Jean-Noël Schifano et Pierre Zaoui. Texte lu par Véronique Ovaldé. Remerciements à Franck-Olivier Laferrère et Gilles Moraton. Prise de son Georges Thau, mixage Pierre Mine, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Delphine Chaume, réalisé par Marie-Laure Ciboulet pour Une histoire particulière. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous terminerons notre collection d'histoires de lieux, mais c'est une autre histoire.